Certaines lois ont la vie dure, vous allez être très très surpris, mais les femmes qui portaient un pantalon jusqu'au 31 janvier 2012 étaient passibles d'emprisonnement. En vigueur depuis plus de 2 siècles, cette ordonnance vient de tomber dans les oubliettes. Pierre-Yves Salic, Marie-Pierre Dorgos. 213 ans d'oppression vestimentaire jusqu'à cette semaine et la libération des Parisiennes officiellement autorisées à porter le pantalon. Depuis aujourd'hui, vous dites? Non, là vous m'étonnez. Qu'est-ce que c'est le pantalon? Donc bienvenue au club alors, officiellement. Depuis 1800, il fallait une permission de police pour se travestir en homme. Les limites à la décence sont dictées par l'ordonnance du 26 Brumaire de l'an 9. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Magnanime, la police adoucit le texte en 1892 pour permettre aux femmes de faire du vélo et monter à cheval. Mais malgré la mode, le falzard est longtemps vécu comme une transgression. En 67, Colette en fait les frais dans son lycée. La surveillante générale m'a agrippée en bas de l'escalier en me disant « Mademoiselle, vous rentrez chez vous, vous habillez correctement. » Année 70, l'abrogation de l'ordonnance phallocrate devient le symbole d'une lutte féministe. C'est symbolique, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le contrôle du corps de la femme reste, même si effectivement aujourd'hui nous sommes toutes en pantalon, nous sommes toutes fières de le porter. À l'Assemblée, il faut attendre 1980 pour voir quelle horreur une députée en pantalon. À l'Élysée, les jupettes de Juppé sont féminines à souhait, aurait-on peur qu'elles portent la culotte? Il y a toujours eu cette peur que les femmes prennent le pouvoir. Finalement, cherchent leur revanche et prennent aux hommes non seulement le pouvoir, mais aussi leurs vêtements. Chère Parisienne, avec ce texte désuet, vous étiez résistante, insoumise malgré vous. Vous voilà l'égale de l'homme, le pantalon pour tous, c'est maintenant.